Bonsoir, je suis Fréquence BD. Mais pas du tout, c'est Bob Lennon. Discute pas, Billy. Accroche-toi pour des bulles et des ondes dès maintenant. Oh, trop de bulles, trop d'ondes. Fréquence BD. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mars, vendredi 4 mars, et pour ce mois de mars, nous avons la chance d'accueillir avec nous un traducteur de bande dessinée de comics, Bart Hulé, qui sera avec nous tout à l'heure. Mais avant toute chose, je suis toujours avec mon équipe habituelle qui est cette fois-ci au complet. Gabriel, bonjour à toi. Bonsoir. Alors comment ça va ? Ah bah ça va. Ça va bien ? Alors quoi de neuf depuis la dernière fois ? Eh bien, que du vieux. Voilà, je m'y attendais. Mais pour être histoire d'être original, voilà. C'est vrai. Mais comme tu as pu voir, nous avons pu avoir la preuve que Cazeneuve était un être humain. Voilà, tu n'as pas pu être là pour avoir la vérification, mais c'est vrai. Donc je voulais te le redire. Oui, bien sûr. J'ai reçu la BD qu'il nous a envoyée. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a envoyé ? Échecs et pattes sur les échecs. D'accord. Eh bien, un humain fort sympathique qui t'a offert échecs et pattes. Eh bien, tu as de la chance. Mais il n'y a pas que toi également, il y a également Marie qui est avec nous. Bonjour Marie. Bonsoir. Alors Marie, comment ça va ? Ça va. Depuis la dernière fois, en forme ? En forme, en forme. Quoi de neuf ? Bah pareil, que du vieux, ça, tranquille. Alors par contre, il va falloir arrêter de pomper les mêmes blagues. Le manque d'originalité aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, car c'est le mois de mars. D'ailleurs, est-ce que toi aussi, Papa Cazeneuve est passé dans ta cheminée ? Et oui, j'ai eu la surprise de sa part de voir petit Tom des petits mythos. Ah, voilà. D'accord, et bien c'est pas mal. Moi pour ma part, c'était les fondus de la bière. Il a dû me faire passer un message, je pense. Ouais, moi aussi. Bien cerné. Ouais, c'est ça, c'est. Il savait que j'aimais la bière. Enfin bref. Nous n'allons pas parler du Papa Cazeneuve, nous allons plutôt parler des sorties bande dessinée de ce mois-ci, du mois de mars. C'est parti. Fréquence BD. Pourquoi tu fais tes effets spéciaux avec la bouche ? Parce qu'on n'a plus de budget, Billy. Oh. Alors pour le mois de mars, moi je vous propose quelque chose d'assez incroyable. Quelque chose qui n'a jamais été fait, quelque chose de très original. Une BD post-apo où les héros sont des enfants, donc vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça s'appelle Les Mondes Électriques. C'est le premier tome, c'est de Christophe Alliel. Ça sort le 2 mars. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un Londres actuel où tout va bien. Et un jour, il y a des éclairs mystérieux qui arrivent et qui rendent fous tous les adultes. La ville se retrouve alors plongée dans le noir et nos deux héros, Louise et Jason, vont tenter de s'échapper de cette ville et de retrouver leur mère qui était à l'hôpital. Pas ce que vous en pensez ? Bah écoute, ça a l'air sympa. Oui, on vient à Londres, un petit comme ça, ça va être cool. Et puis le dessin est très beau. Enfin... Ça a l'air sympathique, mais quand tu dis qu'ils deviennent fous les adultes, c'est-à-dire ? Bah ils deviennent un peu des sortes de zombies, mais genre c'est l'électricité. Ils deviennent fous, ça devient des zombies ou quoi ? Ouais, plus zombies, ouais. D'accord. Pourquoi pas ? Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais enfin, si les zombies ne vous intéressent pas, je vous propose une autre BD de Fabrice Lhomme, de Gérard Davé et de Pierre Van Hoze. C'est L'Obsession du Pouvoir, également le 2 mars. C'est une BD qui va nous plonger dans le monde des politiques, en particulier des trois derniers présidents. Et les auteurs vont nous inviter à découvrir les dessous de l'Élysée et les motivations que nos présidents ont eues pour être président et tout ce qui se cache derrière. Je me suis dit que c'était d'actualité. C'est ce que j'allais dire, c'est une idée des circonstances. Voilà, donc L'Obsession du Pouvoir. Il y a plein de BD politiques qui sortent ce mois-ci. Donc c'est le moment, j'imagine, pour tous les fans de politique. Enfin, PMA à la recherche d'une petite âme de Céline Gandner et de Pauline P, qui sort également le 2 mars. C'est une bande dessinée autobiographique qui nous amène à suivre l'aventure de Céline Gandner dans son parcours pour obtenir une PMA, donc une procréation médicalement assistée. Donc elle est maman solo et dans cette BD, elle va nous raconter tout son périple qui a été semé d'embûches et de situations très particulières, toutes particulières les unes des autres. Donc voilà, c'est un récit d'actualité. Et puisque le mois de mars est le mois, si je me trompe pas, où on parle énormément des droits de la femme et tout ce qui tourne autour de la femme en général, je me suis dit que ce serait une bonne chose de vous parler de cette bande dessinée sur la PMA. Et du coup, c'est de qui ? Tu n'as pas précisé, je crois. Si, de Céline Gantner et de Pauline P. Ah, j'ai eu un break, désolé. Pas de soucis. Je ne sais pas si vous avez d'autres bandes dessinées sur cette thématique dans ce mois-ci. Pas personnellement, non. Ce n'est pas grave. Et enfin, la dernière proposition que je vous fais, c'est Les Sauvages Animaux de Stephen Desberg et de Joanne Demour qui sortira le 9 mars. Alors, c'est une histoire qui se passe dans les années 70, où en fait les humains sont des animaux, et on va suivre l'histoire du manager Peter Grump qui nous raconte comment il a géré le groupe de rock Les Sauvages Animaux au top de la gloire. Donc on va connaître toutes les difficultés que ce groupe de rock a dû surmonter pour exister, les groupies, les gens véreux, les attentats, enfin bref, toute une histoire teintée de musique et à fond dans les années 70. Génial. Et enfin, en vrac, Donjon Pontre Potron Miné, le tome moins 82 de la série Donjon, parce que pourquoi pas le tome moins 82, enfin le tome 2 de Cœur Collège, le tome 3 de Bug de Enki Bilal, un nouveau tome des aventures de Jérôme Cabloche et pour le pire, qui raconte l'histoire d'un mariage forcé qu'il va subir, et enfin le tome 3 des légendaires Missions. Voilà pour ma sélection du mois de mars. Est-ce que vous, de votre côté, Gabriel et Marie, vous avez quelque chose? Non, rien à rajouter. C'était parfait. Bah écoute, moi j'avais Jérôme Cage, Jérôme Bloche, du coup tu m'as... Ah, je te l'ai piqué. Finalement, damé le pion, mais... Mais mais je ne suis pas sans en avoir une autre, puisque aussi en mars 2022 donc sortira Mister Mammoth. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une BD d'enquête. Une BD de thriller, mon personnage principal est un détective privé, avec une apparence physique assez monstrueuse. Voilà, il a le visage déformé, un peu écorché. Ok. Et donc, évidemment, comme tout bon détective de film noir, il est plongé dans une enquête qui va le dépasser. D'accord. Et qui va l'obséder. Et qui va peut-être le conduire à utiliser la violence, ce qu'il s'était toujours refusé à faire jusque-là. Et non, à noter que c'est une BD franco-américaine. D'accord. Eh oui. Et donc voilà, c'est une BD franco-américaine. Le scénariste, c'est Matt Kint. Et il est donc américain, et au dessin, on a Jean-Denis Pandax. D'accord, donc Inspecteur Mammoth, c'est ça? Mister Mammoth. Mister Mammoth, pardon. Eh ben, merci beaucoup pour cette sélection. Et bien maintenant que le tour de la des bandes dessinées... Plutôt Mammoth. Non, on va éviter l'accent anglais. Maintenant ce tour d'actualité a été fait, il est l'heure pour nous d'écouter un petit peu de musique, de chansons. Une chanson proposée par notre invité qui va arriver juste après, c'est Sting de Russian, ou Russian de Sting, je ne sais pas. Non, c'est Russian de Sting, pardon. On le sait tout de suite sur Fadjet et juste après l'interview de Bart Hullet, traducteur. Donc à tout de suite. Yeah. Fadjet, 94.2. 94.2 ? La meilleure radio de la région Lorraine. Où ça ? En Meurthe-et-Moselle. Quoi ? À Nancy, rue Charles III. Trop d'informations, trop d'informations ! 94.2, Fadjet. C'est qui lui ? Je le connais ? Il est célèbre ? Est-ce qu'il est riche ? Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée, tous les premiers vendredis du mois. Sur Fadjet, c'était donc Russiane de Sting. Et pour cette émission du mois de mars, nous avons la chance d'accueillir avec nous Bart Hullet, un traducteur entre autres de bande dessinée et de comics. Bonjour Bart, ça va ? Bonjour, oui merci. Oui, j'ai dit les Russians de Sting. Voilà, j'ai un accent. Oui, c'est vrai, parce que vous n'êtes pas d'origine française, c'est bien ça, vous êtes anglais ? C'est ça, je suis né dans l'ouest du pays, près de Porte, en fait. Donc, c'est Marie qui vous a trouvé. Donc, Marie, à toi l'honneur, raconte-nous un peu l'histoire. C'est grâce à mon prof d'anglais que je remercie au passage, qui m'a mis en contact, avec qui j'ai fait un oral, et j'ai parlé donc de Fréquence BD comme... avec fierté, avec des étoiles dans les yeux, et donc il m'a mis en contact avec Bart. Voilà, tout simplement. Je connais pas mal de profs d'anglais à Strasbourg. Ah oui. Et donc, Bart, si vous aviez à vous présenter, qu'est-ce que vous faites en fait dans la vie ? Plusieurs choses. Tout d'abord, je suis père de foyer, j'ai trois enfants et. Je passe beaucoup de temps à la maison. Là, je prépare une thèse. Une thèse, d'accord. Oui, une thèse à l'Université de Rennes. Sujet de traduction de la bande dessinée. Et je travaille comme prof de traduction littéraire à l'Université de Strasbourg. D'accord. Donc, prof à Strasbourg, vous faites une thèse sur la traduction de bande dessinée. Vous êtes traducteur. C'est ça, je suis aussi traducteur professionnel. Je suis le traducteur maison, si vous voulez, chez l'édition Corrit en Alsace. Et ils sont spécialistes des livres comme la bande dessinée, des livres comme les artbooks et les sketchbooks. Et donc, être traducteur, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu être ou ça a été un choix à un moment donné ? Je suppose que tout a commencé quand j'avais 4 ans et j'ai demandé à ma mère mon premier bande dessinée qui était Asterix and the Little Leaf, une traduction. Je ne savais pas que c'était une traduction de Arthur Bell et Derek Hockridge et c'était au milieu des années 70. Je suppose que plus tard, quand j'ai appris que c'était une traduction, je me disais, moi, j'aimerais faire la traduction de la prochaine tome d'Astrix. C'est mon objectif, je pense. Un jour, de traduire un de ces fameux tomes de ce série. D'accord, donc c'est vraiment en découvrant que ce que cette BD n'était pas dans sa langue d'origine, ça vous a donné envie de faire pareil, de traduire des œuvres dans d'autres langues pour que plein de gens puissent les lire. Exactement. D'accord. Gabriel, je sens que tu avais quelque chose à dire. J'avais une question, mais on peut peut-être poser d'autres questions préliminaires avant, c'est pas... Mais vas-y, hein, te prie pas. Oui. Alors dans ce cas, allons direct dans le vif du sujet. Sur la traduction de la BD. Alors, les bandes dessinées, c'est quand même un art qui est très riche en onomatopées et en jeux de mots. L'exemple d'Astérix, c'est parfait. C'est que du jeu de mots, c'est que les onomatopées varient d'une langue à l'autre. Donc, comment est-ce qu'on gère ça quand on va traduire une BD, en particulier comme Astérix ? Tout d'abord, je dirais que c'est pas tout à fait vrai que. Les onomatopées, les mots sont partout dans la bande dessinée parce que il y a une bande dessinée de genres différents. Les auteurs sont leur propre style et style disponible pour tous sont pas les mêmes. Oui. Évidemment, Asterix chez Asterix, et on a pas mal de jeux de mots. Comment traduire ces jeux de mots? Ben, normalement, il faut tout simplement oublier le jeu de mots de langue source et inventer quelque chose de nouveau. Parce que une traduction de niveau linguistique, si on veut garder exactement les mêmes mots, mais dans langue ciblée, c'est quasiment impossible à trouver les mêmes rapports entre les mots et les sons et les morphologies et l'humour dans la langue source. Donc c'est quasiment impossible. Donc je dirais, jeter tous ces mots et trouver des autres. Oui, oui, parce que trouver deux jeux de mots qui seraient pareils dans deux langues, c'est totalement impossible. Et puis, c'est même, j'avais vu certains problèmes dans Achille Talon où certaines blagues étaient intraduisibles et qui étaient totalement refaites. Fréquence BD. Oui, c'était juste pour continuer aussi sur ça. Justement, là, on a un peu parlé des difficultés de la traduction de blagues, de gags spécifiquement à la BD. Mais est-ce que aussi il y a ce côté côté de la spécificité de la BD, est-ce que par exemple le dessin peut aider à traduire ou à traduire correctement une émotion ou un dialogue ou un mot, justement par rapport à d'autres médiums qui font pas cela, quoi. Il faut reconnaître qu'il y a une spécificité à la bande dessinée, de la bande dessinée, et c'est que dans un roman, tout le texte est imprimé normalement directement partout. C'est en ligne, justifié. Il n'y a pas de changement. Dans la bande dessinée, on trouve le texte partout dans les images. Et l'auteur peut changer chaque mot, chaque lettre, en fait, dans la bande dessinée, pour changer l'impression que ça donne pendant la lecture. Très utile à utiliser, à employer, pour changer ces mots ou ces lettres. Un, c'est la variation orthographique, c'est-à-dire de changer le mot afin qu'il puisse apparaître un peu bizarre. Oui, je jouais sur la taille des lettres. Pour jouer sur la prononciation de ce mot, pour donner l'impression que c'est d'un dialecte ou il y a un problème avec l'articulation de son nom. On peut changer l'idiographie de ce mot ou ce lettre. C'est-à-dire changer les tailles. D'accord, oui. Forme peut changer. Donc, ça lui donne une sens idiographique. Donc, ça peut être, par exemple, le mot love dans un cœur. Donc, ça veut dire que le mot et l'écharpe du mot sont ensemble de même sens. D'accord. Donc oui, jouer sur la proximité, enfin jouer sur la forme des lettres, jouer sur leur taille, jouer sur la manière d'être écrite pour transmettre un message pour l'amplifier. Chaque mot, chaque lettre pour donner l'impression qu'il y a une autre façon de prononcer ces mots. Et peut-être de varier d'autres aspects comme le timbre, le ton et l'émotion qui est tissée dedans. Par exemple, si Oblique crie bou, il pleure, évidemment. Donc, mais le texte peut apparaître de façon bizarre sur la page. Pour donner l'impression de volume, de vibrement dans sa voix, donner une impression d'émotion. Donc, ce sont les bases, les outils disponibles sur le corps, mettre dans le texte. Mais justement, du coup, ça veut dire que en tant que traducteur, vous ne faites pas uniquement du coup que traduire le texte d'une langue à une autre, mais vous faites aussi tout ce qui est un peu mise en page, si je comprends bien ce que vous dites, dans le sens où on va changer la taille des lettres en fonction de de l'histoire et de ce que veut dire ce dialogue-là dans la page, c'est ça ? Je crois que tu dois remarquer pour l'éditeur qu'il faut garder ce genre de choses comme le taille, les chiffres, la forme. Mais pour l'autographe, c'est le travail du traducteur de proposer une traduction. Mais la forme doit être gardée parce que ça donne toute une gamme d'autres aspects phonétiques qui va avec. D'accord, donc le traducteur ne s'occupe que des mots, mais pas de la forme, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. Tout en donnant des indications, du coup. Ok. C'est ça. Parce que souvent la maison d'édition va gommer, supprimer tous les mots qui sont dans les bulles, et puis c'est pas nécessairement évident quand on fait la production pour l'édition anglaise ou allemande, pour quelle langue, c'est qu'il faut changer la forme du texte traduit. D'accord. C'est quand même tout un travail qu'on n'imagine pas forcément. Et justement, c'est un travail qu'on va parler juste après un peu de musique. Je sais, je vous coupe, mais voilà, jusque... Comme ça nous permettra de recommencer sur des bonnes bases. Je me permets, désolé. Alors, on va écouter tout de suite une chanson qui a été proposée par Marie. Hein, je prends dans l'ordre. C'est de Muse. C'est Won't Stand Down. Je ne sais pas parler anglais. Yes. C'est ça. J'aime pas trop Muse. C'est pas le style de musique que j'écoute en général. Eh ben, c'est pas grave, tu m'écoutes quand même. Mais oui, c'est pas grave. Je l'écouterai de toute façon. Parce que tout ce que vous proposez, j'écoute avec délectation. Donc c'est parti pour Muse sur Fréquence BD. Juste après, nous reprendrons l'interview avec Bartulé, traducteur de bande dessinée. That I was conceding like someone trampled on me. You strung me along, I thought I was strong, but you were just gaslighting me. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, living vicariously. I never believed that I would concede and get myself blown asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, and I refuse to take it. I'm playing you at your own game. I'm cutting you out. A shadow of doubt is gonna hang over your name. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Now I'm coming back, a counterattack, a psychological war. I'm cutting you in, I'm under your skin. Now I'm gonna settle the score. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. j'avoue, c'était plutôt métal. Fréquence BD. Découvrez des invités toujours plus métal sur Fréquence BD. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet, et nous avons avec nous un invité exceptionnel, un invité traducteur de bande dessinée entre autres. Nous avons Bartulé avec nous, qui est toujours là et qui est soumis aux questions terribles et piégeuses de Gabriel et de Marie, les chroniqueurs évidemment. Donc nous avons pu parler juste avant de qui était Bart déjà tout d'abord, et du métier de traducteur. Mais alors, il y a une autre question qu'on n'a pas posée avant que les deux autres vous sautent dessus. Vous êtes traducteur anglais vers français ou français vers anglais? C'est le Running Door qui est en traduit que la langue maternelle. D'accord. Il n'y a personne qui fait la traduction dans l'autre sens, avec une exception. En fait, en Angleterre, il y a une maison d'édition qui s'appelle Cinebook, et ils font pas mal de traductions des grandes séries de bande dessinée comme 13 et Largo Winch, toutes ces grandes séries. Et le traducteur principal, c'est un français qui s'appelle Jérôme Saint-Quentin. Et même s'il sait qu'il ne faut pas traduire dans notre langue, il insiste parce qu'il a toute une équipe derrière lui de culture native de l'anglais. Il est en bon main. Et les traductions sont pas trop mauvaises, à son avis. Et donc cette règle d'or de traduire uniquement dans la langue maternelle, c'est qui a décidé de cette règle? Enfin, c'est les maisons d'édition elles-mêmes, ou c'est... C'est la sagesse acceptée. D'accord. Donc, c'est juste c'est complètement impossible à traduire vers une autre langue, même si on est bilingue, parce que on n'aura jamais le même niveau de nuance, de compréhension dans une autre langue. Mais la langue maternelle, parce que c'est appris depuis le début, compétences dans cette langue sont les mêmes. D'accord, je comprends. Bah, moi, du coup, je me demandais, parce que là, du coup, on a parlé un peu de règles d'or ou des indications que pouvaient être faites par le traducteur lui-même, mais je me demande plus concrètement comment ça fonctionne, le travail de traduction en fait. Est-ce qu'il y a combien de temps ça prend, et est-ce que vous êtes tout seul aussi? Ouais, c'est une bonne question, j'y avais pas pensé. Mais oui, est-ce que du coup il y a un dialogue par exemple avec les auteurs, combien de versions peut-être aussi sont faites d'une BD généralement, parce que je suppose que la première traduction n'est pas forcément la bonne, donc je sais pas comment ça fonctionne du coup. Ça aide beaucoup si je suis en contact avec l'auteur. Je vous donne l'exemple de Macquarie 9-11 qui était écrit par Jean-David Morvan quelques ans. Et j'avais pas l'adresse mail de Jean-David de ce temps-là, et j'ai rencontré un problème. L'histoire en fait était basée sur une interview avec Macquarie, qui est photographe de Magnum, très connu, très célèbre. Cette interview était faite en anglais au début, mais ils ont traduit l'interview en français afin que Jean-David Morvan pouvait créer son histoire, sa narrative. Et j'ai rendu compte pendant la traduction que quand il y avait des citations de Curry dans le texte, je me disais, il me semble que il n'a pas dit ça en anglais. Donc, ce que je voulais à ce moment-là, c'est le texte original de Macquarie, afin de transmettre ses vrais mots dans la traduction. Parce qu'en fait, que j'étais en train de faire. C'était pas une traduction, mais une rétraduction. Donc, le texte qu'il a dit en anglais était déjà traduit en français et j'étais en train de rétraduire le français vers l'anglais. Oui, et en retraduisant quelque chose de déjà traduit, il y a forcément une perte. Oui, pas forcément une perte, mais les mots qui arrivent ne sont pas forcément exactement les mêmes qu'au départ. D'accord. Et alors, justement, quels sont... Donc, vous avez partiellement répondu, mais donc, si j'ai bien compris, vous travaillez seul, vous n'avez pas d'équipe derrière vous pour aider à traduire. Non, j'ai un éditeur, Jean-Christophe Corret, et l'édition Corret, et Quincy a donc commencé... Mais il a confiance en moi de fournir un texte qui répond aux besoins. Mais c'est vrai, s'il s'agit d'un texte humoristique, c'est vachement difficile de travailler seul. Et ce que j'aime faire, c'est de parler avec les autres, de montrer le texte aux autres pour qu'ils puissent voir ou donner des retours. Sur ma texte pour vérifier si c'est humoristique aussi. Pour vérifier si la blague de base, par exemple, est toujours bien transmise et qu'elle fait effet. C'est ça. Et quelque chose que je trouve est rigolo, c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai une autre question par rapport à ça. On parlait un peu tout à l'heure de la règle d'or que vous traduisez dans votre langue maternelle. Et il y a un peu ce cliché que l'humour français et l'humour anglais sont deux choses sont l'eau et l'huile, ne se mélangent absolument pas et sont très différents. Est-ce que, du coup, en traduisant des BD donc, françaises vers l'anglais et peut-être des BD humoristiques, est-ce que... vous voyez les anglophones être sensibles à l'humour francophone, belge, français, etc. Je ne sais pas si je suis d'accord que notre humour est différent, parce que Monty Python, par exemple, est très, très apprécié en France. Et les séries Asterix et Tintin sont très appréciées en Angleterre. Donc, est-ce que c'est parce que les traductions sont très bonnes ou est-ce que c'est une autre question culturelle qu'on est plus proche qu'on pense? Moi, je dis que les problèmes arrivent principalement avec les blagues linguistiques qui les Français aiment. C'est sûr. Récemment, j'ai dû... traiter une blague qui commence toute une grande série de bande dessinée avec une blague de la genre d'un nom. Avec quelle blague? En anglais, on n'a pas de genre pour les noms. Ouais. Il n'y a pas de masculin féminin pour des choses. Mais évidemment, en français, ça arrive tout le temps. Donc, il y a pas mal de blagues qui sont... qui jouent avec ce fait. Et ces genres de choses sont pas traduisibles. Donc, je peux trouver une autre solution en anglais. Et c'est rarement évident. C'est vachement difficile. Et donc, dans ce cas-là, vous devez parfois inventer une nouvelle blague ou parfois ça peut passer à la trappe? Normalement, oui. Il faut oublier le genre. Blague et trouver une autre chose qui est semblable, mais une traduction directe, même une traduction qui utilise les mêmes objets, c'est vachement difficile. Donc, Anne Bell, qui était traductrice de Netflix, a dit que si c'est pas possible de trouver quelque chose pour une blague dans l'endroit où c'est arrivé en français, c'est pas grave. Seulement si on peut trouver un autre endroit où il n'y a pas nécessairement une blague dans la version française, mais on peut mettre une blague dans une autre case dans la version anglaise pour compenser la perte du blague originale. D'accord. Gabriel, j'ai cru t'entendre pouffer la mention de Sacré Graal. Oui, parce que c'est très drôle. Bon, non. Je sais pas, j'ai jamais regardé Sacré Graal, il faudrait que je le regarde, mais des extraits que j'ai pu voir, ça a l'air vraiment pas mal. Et d'ailleurs, pour le coup, il y a aussi beaucoup de jeux de mots chez Monty Python. Mais c'est vrai que là, il y a un comique qui ressemble un petit peu à de la BD aussi. Dans Monty Python. Par le visuel, on rit. Ouais, je trouve. Bah, j'ai surtout dans Sacré Graal. J'ai vu quelques. Oui, bah, tous les extraits que j'ai vus, c'est Sacré Graal, évidemment. Mais oui, c'est intéressant ce que tu dis. Mais alors moi j'ai une autre question qui... Parce que vous n'êtes pas que traducteur de bande dessinée. J'ai vu également que vous avez fait de la traduction pour des jeux. Comment ça se passe? Est-ce que c'est différent? Normalement il y a deux demandes différentes pour les jeux. Un c'est les règles, bien sûr. Les jeux comme... Voilà, si c'est un jeu de société, il faut avoir un manuel. De règles et les instructions sont être précises, c'est pas possible d'être trop créative avec ce genre de choses. Donc ça c'est une traduction technique. Mais non, il m'intéresse les jeux, c'est normalement qu'il y a, une petite histoire qui explique le scénario, ce qui se passe dans le scénario du jeu ou le principe, le point de départ du jeu. Et normalement, j'aime traduire ces petites histoires de 2-3 pages, normalement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est la traduction littéraire classique. D'accord, donc c'est une traduction qui est bien plus simple, car beaucoup plus terre à terre. Et j'ai une toute petite question. Et ensuite, je pense qu'on écoutera un peu de musique. Mais... En français, on utilise pas mal de franglais. Est-ce que quand vous devez traduire du franglais, vous laissez le terme anglais employé ou alors vous le remplacez totalement? Bah, c'est le choix du traducteur. Bah, le franglais et le franglish, en général, c'est grave, à mon avis. Mais j'ai constaté que les Français aiment utiliser pas mal de mots anglais. Avec normalement, ce qu'ils pensent c'est le même sens en anglais, mais c'est pas toujours le cas. Et donc dans ces cas-là, comment vous faites? On oublie, parce que c'est quasiment impossible de prendre l'équivalent en français du même mot en anglais. On utilise pas mal de mots français en anglais aussi, mais pour autre chose. Donc c'est rarement exactement la même chose. Donc, normalement, le franglish, le franglais, oui, c'est une perte. C'est pas utilisé. D'accord. Donc, ça ne vous arrange pas, c'est ça? C'est ça. Mais c'est quand, Fréquence BD? On est en plein dedans, Billy. Ah! D'accord, et ben, merci beaucoup. L'émission avance, donc il nous restera encore un tout petit peu de temps à passer avec vous, mais juste avant, on va écouter une chanson proposée par Gabriel. Et Gabriel, tu es toujours dans le même tonneau, mais ça tombe bien, j'aime bien. Tu nous as proposé Le Déserteur de Boris Vian. Oui, bah c'est vrai que, encore une fois, de la chanson française, et puis là, pour le coup, c'est d'actualité. C'est vrai, ça fait un peu actualité, j'osais pas le dire, mais c'est vrai. Donc, Le Déserteur de Boris Vian, je crois que ça lui avait valu des problèmes à l'époque, je sais plus. Oui, bien sûr, mais c'est toujours autant d'actualité. Donc, d'ailleurs, une chanson qui avait été reprise, il me semble, pour... C'est ça, alors la dernière phrase, normalement, sur la version écrite par Boris Vian, c'était en parlant des gendarmes, vous pourrez les prévenir que j'ai des armes et que je sais tirer. Et ça a été retravaillé, on lui a conseillé plutôt d'écrire et que qu'ils pourront tirer, voilà. Que je n'ai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Voilà, c'est mieux que la police te tire dessus que l'inverse, si j'ai bien compris. C'est un peu plus désespéré. Enfin, je savais, différentes façons de le voir. Voilà, donc ce sera un débat sur Le Déserteur qui se fera hors antenne, évidemment. Donc tout de suite, Le Déserteur de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir

c'est quand on parle de la destination pour les vélos. Oui, c'est de temps en temps, j'aime bien Iron Man et tout ça quand tu le montres. Mais quand c'est constant, je me dis, je suis vraiment chanceux d'être en France. Parce que ici, beaucoup de choix, il y a beaucoup plus de gens. Quoi. Oui, vous voulez dire que vous faites que dans les pays anglophones, on fait une overdose de super-héros? C'est ça, ouais. La tradition britannique, ça développe. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs connus d'un bande dessinée britannique parce que c'est vachement difficile à gagner la vie là-bas, comme les sortes de bande dessinée. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'ils n'ont pas beaucoup de succès? Alors, c'est vrai que les parts de marché des comics aux États-Unis, c'est vraiment écrasant. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais simplement, je rebondissais, moins de BD traduites non plus, notamment aux États-Unis, où c'est pas énormément de BD quand on regarde les chiffres. Et ce qui est essentiellement lu, c'est des comics. Oui, j'ai récemment échangé avec Terry Nantier, et NDM à New York. Et il dit que s'ils vendent 1000-1500 exemplaires d'un titre, c'est très bien, ça c'est bien vendu. Mais pour Marvel, bien vendu c'est 50 000 exemplaires, donc ce ne sont pas les mêmes chiffres de tout. Ah oui, 1500 une bonne vente? Oui. C'est peu. C'est vrai que ça change de chiffre. C'est très peu. Parce que moi ça me fait un peu penser... aux pubs dans les gares où c'est écrit le livre aux millions de lecteurs, là ça serait le livre aux milliers de lecteurs. Un peu ça. Effectivement. En fait, j'ai entendu Nantier parler de New York comme ça, quand ça marchait. En fait, quand il sort un livre, il n'y a que des New Yorkais qui l'achètent. Parce que ça vend pas d'autre part. Pourquoi que ça marche que chez les New-Yorkais? Ils sont des esprits ouverts, je pense. Tous les expatriés New-York qui achètent des BD, peut-être. Pour changer un peu de vision, peut-être pour conclure. Bah, tu seras à la conclusion, prépare-toi bien. Non, mais peut-être, est-ce que vous pouvez dire un peu plus parler de votre sujet de thèse, parce que je trouve super intéressant, sur du coup la traduction des DVD, la traduction en anglais des BD franco-belges dans la période actuelle. Ouais, peut-être un peu plus parler, donc je sais pas, quelles sont les grandes les grandes découvertes que vous avez fait menant ce travail, donc qui vous ont surpris ou qui sont un peu étonnants? Mon sujet de thèse, ce sont les traductions de la bande dessinée franco-belge qui ont été traduites pour le marché anglophone depuis les années 50. En fait. Et les universitaires ont bien étudié la tradition britannique, c'est-à-dire les traducteurs qui ont traité les séries Asterix et Tintin. C'était Anthea Bell pour Asterix et Michael Turner et Leslie Mandel Cooper pour Tintin. Mais on connaît quasiment rien qui s'est passé aux États-Unis. Même si après, on dit, un film Barbarella avec Jane Fonda qui était. Au cinéma pendant les années 60. C'était le premier bande dessinée franco-belge traduit pour le marché américain. Et ça, c'était le début d'une révolution. Ils ont parlé d'une révolution, la bande dessinée européenne aux États-Unis, qui était problématique chez les maisons d'édition là-bas. Il n'y avait personne qui a compris la langue française. Mais ils ont tous aimé les images. Donc, Zero créé pas mal de grands auteurs de bande dessinée franco-belge étaient connus là-bas, mais le texte n'était pas accessible parce qu'il n'y avait pas de linguistique. Ça, c'est comme situation, je trouve. Donc, c'était vers les années 80, avant qu'ils ont décidé d'investir pour traduire toutes ces séries. Et Dargo a même ouvert un bureau à New York pour traduire pas mal de séries. Mais le problème, c'est que les traducteurs qu'ils ont employés pour un, peut-être deux, peut-être trois albums à la fois, ces traducteurs n'étaient pas la meilleure, n'avaient pas l'habitude de traiter une bande dessinée en traduction. Donc ces traductions, les Dargo New York, étaient franchement nulles. Je vous donne l'exemple d'une traduction de Valerian. Vous connaissez l'ambassade des ombres. Il y a un cas là où Laureline dit ils sont tétanisés parce que tous ces gens sont touchés par les aliens avec le rayon spécial. Donc tétanisé, normalement on traduit ça comme paralyzed, mais le traducteur a choisi tétanos qui est une condition médicale. Donc la traduction était n'importe quoi à cause de ça, et il y avait des autres erreurs, et en fait Dargo n'a pas fait attention à cette traduction. Donc il y avait pas mal de albums traduits à ce temps-là, mais ils étaient tous nuls, et donc Dargo a fermé après deux ans, je pense. Donc ça a pris peut-être 40 ans avant que les maisons d'édition américaines ont réussi à trouver une façon de traduire le bande dessinée afin que les lecteurs peuvent lire et apprécier le travail des auteurs français. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin que vous nous avez livré là. Donc oui, une traduction qui a eu du mal à se frayer le chemin pour que le message soit parfaitement rempli. Gabriel Marie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, je crois que toutes les questions que j'avais, j'ai trouvé une réponse. Et toi, Marie, est-ce que tu as tout été répondu ? Maintenant, je suis une experte de la traduction. Je vais me lancer tout de suite. Voilà. Eh ben, on a hâte que tu traduises les émissions de Fréquence BD en anglais. Ah. Fréquence BD. Alors, tant qu'on est sur la fin, juste, je voulais vous passer une petite annonce à vous qui nous écoutez sur Fadjet, et bah, toi aussi Gabriel, parce que j'ai oublié de te le dire. Je suis notre émission Fréquence BD va peut-être être diffusée sur une deuxième radio corrézienne. Donc c'est en cours de négociation entre la radio Bram FM à Tulle et Fadjet que vous écoutez actuellement à Nancy. Donc voilà, nous vous tiendrons au courant évidemment dans cette émission de voir où est-ce que ça ira, mais il se pourra que nos amis tulistes pourront également écouter notre émission. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Ça justifie nos très nombreuses références à Tulle ou encore Brive-la-Gaillarde. C'est ça, mais c'est potentiellement la première émission Loreno corrézienne. C'est ça. Lorraine, enfin, ce serait bizarre. Enfin voilà, dans tous les cas. C'est le début de quelque chose de grand, puisqu'une fois, voilà, Tulle, et ensuite ça sera le monde. Hein, ouais, j'ai demandé à RTL, ils n'ont pas voulu, je ne sais pas pourquoi. New York direct. Ouais, allons à la télé. Bref, Nous nous retrouverons le vendredi 1er avril, où cette fois-ci nous n'aurons pas d'invité. Ce sera une émission un peu retour aux sources. Mais voilà. Une émission spéciale. Une émission spéciale, évidemment, pour le mois d'avril. Voilà, hein, mois d'avril, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Un 1er avril, évidemment. Merci à vous de nous avoir écoutés pour cette émission, en espérant que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci à toi, Gabriel, d'avoir refait surface et d'avoir passé un moment avec nous. Non problemo. Comme on dit. Merci Marie, merci beaucoup Bart d'avoir été là ce soir. Ouais, je... Merci beaucoup. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Au revoir. Ne pleure pas, Billy. Fréquence BD revient le mois prochain avec toujours plus de BD, des invités encore plus puissants et des animateurs toujours aussi... Politiquement neutre afin de s'assurer une sécurité de l'emploi. Excentrique, Billy. Et c'est tous les premiers vendredis du mois.